Voici quelques méthodes simples et basiques pour commencer à développer votre clairvoyance. 1. Préparez votre espace. Choisissez un endroit calme et tranquille où vous ne serez pas dérangé. Assurez-vous que l'espace est propre et bien rangé. Vous pouvez également allumer des bougies, de l'encens ou d'autres éléments pour créer une ambiance propice à la méditation. 2. Méditez. Asseyez-vous confortablement et commencez à méditer. Vous pouvez utiliser une technique de méditation de votre choix, telle que la respiration consciente ou la visualisation. L'objectif est de calmer votre esprit et de vous concentrer sur votre intention de développer votre clairvoyance. 3. Formulez votre intention. Visualisez votre troisième œil, situé entre vos sourcils, et formulez votre intention clairement et précisément. Vous pouvez utiliser des affirmations ou des prières pour renforcer votre intention. 4. Pratiquez la visualisation. Visualisez des images dans votre esprit. Commencez par des images simples, telles qu'un cercle ou un carré, puis passez à des images plus complexes, telles que des paysages ou des personnes. Essayez de voir les détails de l'image aussi clairement que possible. 5. Pratiquez la lecture psychique. Demandez à un ami de tenir un objet, comme une bague ou une clé, et essayez de lire les informations sur l'objet en utilisant votre clairvoyance. Essayez de voir des images ou des impressions qui vous donnent des informations sur l'objet. 6. Pratiquez la méditation de l'œil de l'esprit. Visualisez un œil dans votre esprit et concentrez-vous sur cet œil. Essayez de voir des images ou des impressions qui vous donnent des informations sur votre environnement ou sur les personnes autour de vous. 7. Pratiquez la méditation de la flamme. Regardez une flamme de bougie et concentrez-vous sur la flamme. Essayez de voir des images ou des impressions qui vous donnent des informations sur votre environnement ou sur les personnes autour de vous. Il est important de noter que la clairvoyance peut prendre du temps à se développer et que les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Il est également important de faire preuve de prudence et de discernement lors de l'exploration de cette capacité et de travailler avec des praticiens expérimentés si vous choisissez de développer votre propre clairvoyance. Technique de méditation pour développer notre clairvoyance. Préparez votre espace. Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous dans une position confortable, le dos droit et les épaules détendues. Relaxation. Commencez par quelques respirations profondes pour vous détendre. Prenez conscience de votre corps et relâchez toute tension que vous pourriez ressentir. Focalisation de l'attention. Choisissez un point de concentration, comme votre respiration, un son ou une image mentale. Utilisez cela comme point focal pour calmer votre esprit et vous centrer. Élargissement de la conscience. À mesure que votre esprit se calme, commencez à ouvrir votre conscience à de nouvelles informations. Soyez ouvert et réceptif aux sensations, aux images, aux pensées ou aux intuitions qui peuvent surgir. Visualisation. Vous pouvez utiliser la visualisation pour stimuler votre clairvoyance. Imaginez-vous entouré d'une lumière blanche et brillante. Visualisez cette lumière pénétrer votre esprit, votre troisième œil, au centre du front, entre les sourcils, et votre intuition, en les activant et en les renforçant. Demande d'orientation. Posez une intention claire pour votre méditation en demandant à votre intuition de se manifester. Vous pouvez poser des questions spécifiques ou simplement demander des conseils ou des informations sur un sujet donné. Observateur détaché. Lorsque des pensées, des images ou des impressions surviennent, observez-les sans jugement et sans vous y attacher. Laissez-les passer et revenez à votre point focal si nécessaire. Fin de la méditation. Terminez votre méditation en prenant quelques respirations profondes, en vous étirant et en prenant le temps d'intégrer vos expériences. Page 36, nous allons parler de clairaudience. Page 36.